السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc nous entamons inshallah le premier cours concernant une série de cours qui s'intitule Mudhakkiratun fil Aqidah, un rappel précis, concis concernant le dogme du Cheikh Dr. Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, hafizahullah ta'ala, parmi les grands savants d'Arabie, plus précisément de la ville de Médine, la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Il a enseigné à l'université islamique de Médine et il prêche dans différents organismes en Arabie, et il a sa chaise dans laquelle il donne des cours dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. À la base, ces cours, ce rappel qu'on appelle al-mudhakkira, c'est une idée de l'université islamique de Médine d'organiser des séminaires concentrés sur l'apprentissage et l'enseignement pour les musulmans dans les autres pays, comme en Afrique ou en Asie. Depuis sa création en 1960, donc dans les années 60, 70, 80, ainsi de suite, l'université islamique de temps à autre organisa des séminaires, et parfois réservés aux enseignants, aux imams et aux prêcheurs dans ces pays, pour qu'ils aient un bagage suffisant et authentique concernant la science religieuse. Donc l'université a demandé à des professeurs et à des savants de l'université de préparer ces cours qui serviront de base pour ces séminaires. Et Cheikh Salih al-Suhaymi, hafizahullah, a écrit Al-Mudhakkira fil Aqidah. Et le Cheikh Dr. Al-Allama Rabi' al-Madkhali, hafizahullah, il a écrit Al-Mudhakkira fil Hadith. Il a pris plusieurs hadiths concernant Al-Aqidah et concernant le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en a fait un petit résumé et les leçons à tirer de ces hadiths. La Mudhakkira de Cheikh Rabi', elle date de l'an 1406 de l'Hégire, à peu près 1985-86. Et il y a aussi une Mudhakkira fil Mustalah, sur les techniques et les règles du hadith, concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, C'était cette matière qu'on appelle Mustalah al-Hadith et qui a été préparée par deux shirs. L'un, c'est le grand savant, le Muhaddith de Médine, Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala. Il y a un autre shirk avec lui qui s'appelle le docteur Abdul Karim Mourad. Et ce rappel dans le Mustalah al-Hadith, cette Mudhakira, elle a été écrite en 1386 de l'Hégire, à peu près 1965-1966. Et l'Université islamique de Médine a publié ces Mudhakirat qui sont très bénéfiques, comme l'ouvrage que vous voyez, qui est une édition de l'Université islamique de Médine. On retrouve dedans les trois Mudhakirat, les trois rappels. Et les cours qu'on va entamer concerneront le premier sur l'aqida de Cheikh Saleh Al-Suhaimi. Et ça, c'est parmi les mérites de cette grande université islamique de Médine, de la ville du prophète sallam, qui a été fondée à la base pour enseigner le dogme authentique et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour les musulmans hors d'Arabie. C'est pour cela que la majorité des étudiants dans cette université sont étrangers, de toutes les nationalités du monde islamique et non islamique. Parce qu'il y a aussi des communautés et il y a des musulmans dans les pays qui ne sont pas musulmans. Et cette université, elle a été basée sur As-Salafiyya, sur la voie des pieux prédécesseurs. Les bases de cette université ont été fondées ainsi par le grand mufti de l'époque, le grand savant Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, l'ancien mufti d'Arabie rahimahullah ta'ala. À ses côtés comme suppléant, il y avait le grand savant al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui fut aussi le grand mufti d'Arabie. Et il y avait comme enseignant à l'ouverture de l'université que des noms de grands ulama de renommée comme al-Sheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, al-Sheikh Hamad ibn Mohammed al-Ansari rahimahullah ta'ala, al-Sheikh Mohammed Ahmad ibn Ali al-Jami رحمه الله تعالى، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ عبد المحسن ابن حمد آل بدر العباد حفظه الله تعالى، et d'autres savants qui ont enseigné dans les premières années de cette université et qui a sorti des grands savants comme, à titre d'exemple, le Cheikh Rabi' al-Madkhali, le Cheikh Ali Nasr al-Faqihi, le Cheikh Salih al-Suhaimi, le Cheikh Mohammed ibn Hadi, et plein d'autres Cheikhs qui sont sortis de cette université. Je me suis attardé un peu dans cette introduction pour vous faire comprendre la place et la grandeur de cette université et du bon travail qu'elle a accompli. Contrairement à ce que disent certains qui la dénigrent ou qui la rabaissent ou qui pensent avoir atteint un niveau au-dessus du niveau qu'elle enseigne en prétendant que le niveau à Médine il est faible ou mieux vaut aller étudier autre part et plein d'autres propos qui ne sont pas bons à dire. Que ces gens craignent Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils fassent preuve de modestie, et que s'ils pensent qu'ils ont atteint un certain niveau de science, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas atteint le niveau qui est enseigné dans cette grande université. Et en aucun cas, on est en droit de faire marche arrière pour ceux qui ont été acceptés à cette université, dans cette université, ou ceux qui veulent s'inscrire dans cette université. Il ne faut pas écouter les mauvais conseillers, mais plutôt les bons conseillers. Donc, le cheikh Saleh al-Suhaymi, hafidhahullahu ta'ala, nous dit, après avoir fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander la protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos propres personnes et de nos mauvaises actions, et que celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et que celui Allah qui il égare, nul ne pourra le guider, et qu'il témoigne que nul n'est adorant en vérité si ce n'est Allah qui n'a pas d'associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur, l'adorateur d'Allah, et il est son messager, qu'Allah prie sur lui et le salue, ainsi que sur tous ses compagnons et toute sa famille. Après avoir cité les trois versets coraniques dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint, nous recommande la piété, la crainte de lui subhanahu wa ta'ala, et puis après ceci, la meilleure des paroles, la plus véritable parole, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le meilleur et le véritable chemin, c'est le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et les pires, les plus mauvaises choses, ce sont les nouveautés dans le domaine religieux, dans le domaine cultuel. Et toute nouveauté en religion est une innovation. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. C'est une petite explication de ce qu'on appelle khutbatul hajj, par laquelle j'ai fait l'introduction de ce cours qu'on appelle en français le discours du besoin, dont le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de prononcer, de formuler avant de faire un cours, une exhortation, avant de célébrer un acte de mariage ou autre. Donc le cheikh nous dit, wa ba'd, après ceci, فَهَذِهِ مُذَكِّرَةٌ مُخْتَصَرَةٌ في مادة العقيدة للطلاب الدورات التدريبية التي تقيمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عدد من البلدان الإسلامية. Donc voilà un rappel concis concernant la matière du dogme pour les étudiants, les élèves des séminaires éducatifs qui sont préparés, organisés par l'université islamique de Médine dans beaucoup de pays musulmans. As'alullah al-Ali al-Qadir an yanfa'a biha wa yaj'alaha khalisatan liwajhi al-Karim. Je prie Allah, je demande à Allah, l'élevé, celui qui est capable de toutes choses, de la rendre bénéfique et de faire de cette action qu'elle soit sincère pour sa face bénie et honorable. Wa ilayka akhi ad-daris al-karim. Et pour toi, frère ou sœur, qui honorable frère et honorable sœur qui étudie al-mawdu'at al-mukhtara li hadhihi al-madda, les questions choisies dans cette matière, c'est-à-dire les points, les sujets qui seront abordés dans cette question, dans cette matière qui est al-aqida. Al-awwal, premier point, al-hikmatu min khalqil jinn wal-ins. La sagesse, la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Il est voulu ici les deux créatures qui sont responsables de leurs actions, qui auront des comptes à rendre sur tout agissement provenant de leur part. Et cela ne concerne que ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dotés de raison, qui sont les djinns, des créatures qui vivent avec nous sur terre. qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé de feu et dont est issu le grand diable Satan Iblis, qui à l'origine est un djinn. Et les djinns, comme les humains, il y a parmi eux des croyants et des mécréants, des musulmans et des non-musulmans, des personnes bonnes et des mauvaises personnes, comme les êtres humains. Ils ont leur monde et on a le nôtre, et ces deux créatures auront à rendre des comptes et ils auront à être jugés, et au final, soit ceux qui auront gagné, ils seront voués au paradis, et ceux qui auront perdu seront voués au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est une créature. Allah, il est seul et il est l'unique, c'est le créateur. Et tout ce qui est en dehors de lui est une créature. Et les seuls qui ont des comptes à rendre, qui seront jugés, à qui il incombe de croire et d'agir en bien, ce sont les hommes et les djinns. Quelle est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés? I'lam akhi ad-daris al-karim anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa kulla shay'in li hikmatin ya'lamuha wa yuriduha. Sache, ô toi l'élève, l'étudiant honorable, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute chose pour une sagesse que lui connaît et une sagesse qu'il a voulu. Wal muslim mutalabun bil iz'an wat taslim sawa'un adraka tilka al hikma am lam yudrikha. Et il est demandé aux musulmans de se soumettre et de se rabaisser devant les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il en ait connu la sagesse ou pas. Ça, c'est une éducation. Un bon musulman, voilà son éducation. Lorsque l'ordre lui vient de son Seigneur, de son Créateur, il s'est soumis en premier lieu, qu'il ait compris la raison pour laquelle il y a eu cet ordre ou pas, qu'il ait eu connaissance de la sagesse ou pas. Ça, c'est la première chose à accomplir face à l'ordre divin. C'est de se soumettre. Une confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà l'agissement du bon musulman. فإن عرف الحكمة فهو خير على خير. S'il a su, il a connu la sagesse, c'est un bien qui se rajoute au bien. وإن لم يدركها فعليه أن يستسلم. Et si il ne peut assimiler, il ne peut atteindre la sagesse, il se devra de se soumettre. En arabe, on dit pour le musulman « al-muslim ». C'est celui qui se soumet. Et ce n'est pas qu'une parole ou une prétention. Un véritable musulman, son islam est une réalité. Donc, il y a soumission totale. Tout se soumet face au Créateur. Mon extérieur et mon intérieur. Mon cœur et les membres de mon corps, tout se soumet à Allah tabaraka wa ta'ala. لأن العقل البشري قاصر عن إدراك كل حكمة. Car la raison humaine, elle est finie, elle est limitée, elle est incapable de tout comprendre ou de savoir toutes les sagesses divines. Tout en dehors d'Allah est une créature. Et la raison est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'intelligence, elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux philosophes mécréants et polythéistes et athées qui pensent ou qui croient ou qu'ils font croire aux autres qu'ils ont atteint un niveau d'intelligence et un niveau de raisonnement, wal'iyadhu billah, que même les prophètes n'ont pas atteint. Et c'est pour cela qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que les plus ignorants dans le domaine, dans les questions divines, ce sont les philosophes. Et regardez le monde des athées. Et combien sont-ils? Ils donnent prééminence à qui? Et ils donnent de l'importance à qui? Aux philosophes. Subhanallah. Tellement qu'ils ne veulent pas regarder le côté divin ou le côté prophétique, ils donnent de l'importance au raisonnement et aux pensées des philosophes alors qu'ils sont les plus éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si réellement ils étaient intelligents, réellement ils avaient un bon raisonnement, cela les aurait guidés vers les paroles divines et vers la croyance aux prophètes. Mais le fait qu'ils en ont été éloignés, c'est qu'ils n'avaient pas un raisonnement convenable. Et le pire, c'est quand certains veulent mélanger ce qui ne peut être mélangé, la philosophie, avec tout le mal qui s'y trouve, avec les enseignements islamiques. Et lorsque la philosophie a été introduite dans les enseignements islamiques, on sait tous les égarements que cela a menés, surtout dans le domaine dogmatique. Les musulmans étaient à l'abri de beaucoup de mal. Une fois que les ouvrages des Grecs, des Indiens, des Chinois et autres anciens, cela a ramené beaucoup de mal à la communauté musulmane. Et regardez, même chez certaines tendances, entre guillemets, musulmanes, comment ils éduquent leurs adeptes. Lorsqu'ils essaient de donner une explication et une raison à chaque ordre divin, comme si cela voulait dire que si on n'a pas d'explication, on doit rejeter l'ordre divin. Si on n'a pas de sagesse connue de notre part, on remet en cause l'ordre divin. Wal'iyadhu billah. En agissant ainsi, il donne une mauvaise éducation aux gens, jusqu'à qu'on se trouve face à des gens qui te demandent: mais pourquoi Allah nous demande cela? Pourquoi le prophète nous enseigne ceci? Et si tu n'as pas de réponse, il se donne le droit de ne pas accepter la parole d'Allah. Il se donne le droit de ne pas accepter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est ta faute, tu ne m'as pas donné d'explication. C'est ta faute, tu ne m'as pas expliqué quelle est la raison et quelle est la sagesse. Wal'iyadhu billah. Que veut dire le mot soumission? Subhanallah. Et Allah, il nous a donné que très peu de science. Mais ce très peu de science, il n'y a pas une personne qui peut l'assimiler complètement. Car même si tu sais, tu ignores des choses. Et au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Et il nous a été donné de science que très peu. Tout ça, vous voyez très bien que c'est dû à cette mauvaise éducation et à cette mauvaise compréhension même du terme islam. À titre d'exemple, des gens se sont fatigués à aller chercher quelle est la raison de l'interdiction du porc. On en a entendu des choses. Oui, il paraît que c'est interdit parce que dans le porc, il y a une partie D'où est-ce qu'ils ont vu ça? Est-ce qu'Allah il l'a dit dans le Coran? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la raison de l'interdiction parce que c'est telle partie du corps, du porc? Subhanallah. Comment les gens se fatiguent là où Allah ne leur a rien imposé. Et au même moment, ils délaissent ce qu'Allah leur a imposé. Wal'iyadu billah. Et de là vient aussi un autre égarement connu chez les rationalistes et anciennement chez la secte de l'Mu'tazila qui se servait beaucoup du raisonnement. Ils ont dit, parce que la question elle s'est posée, lorsque le raisonnement contredit le texte religieux, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont inventé une règle. Et ils ont dit que lorsque ce problème arrive, alors c'est le raisonnement qu'on prend en compte et on rejette le texte religieux. Et le sunna, ils ont dit ça c'est faux. La véritable règle, c'est que ce que vous considérez comme un raisonnement, il n'est pas bon. Et c'est lui qui est à remettre en cause. Car un bon raisonnement, une bonne réflexion ne contredit jamais un texte religieux. Et s'il y a contradiction, alors on vérifie l'authenticité du texte. Avant tout, si le texte il est authentique, c'est lui qui prévaut et voilà la vérité, toute la vérité. Et le raisonnement, c'est lui qui n'est pas bon et qui a à remettre en cause. Donc, le texte religieux authentique passe avant le raisonnement. Tayyib. Was-sahabatu ridwanullahi alayhim ajma'in kanu yataqabbalun imtithal al-awamir wa ijtinab an-nawahi التي تأتي في القرآن والسنة دون أن يسألوا عن الحكمة من ذلك ولا أدل على هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عنه حينما جاء يقبل الحجر الأسود فقال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا الأثر متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. Et les compagnons, ceux qui ont appris l'islam directement du prophète alayhi salatu wassalam, la première génération des musulmans et la meilleure des générations, et ce sont les meilleures personnes après les prophètes, et ce sont l'exemple même pour tous les musulmans qui viennent après. Ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, ils recevaient avec toute acceptation et satisfaction les ordres et les interdits qui nous sont parvenus dans le Coran et la Sunna sans questionner, sans demander quelle est la sagesse de cela. Et pour preuve, on a l'exemple du prince des croyants, du deuxième calife de l'islam, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsque il est pendant son califat, il est venu embrasser la pierre noire à la Kaaba. Et en regardant la pierre noire, il dit, radiallahu anhu, je sais, je suis conscient que tu es une pierre qui ne peut ramener ni bénéfice ni nuisance. C'est-à-dire, tu ne peux ne faire ni un bien, ni un mal. Mais si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà. Pourquoi on embrasse la pierre noire? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam l'a embrassé. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a demandé qu'on embrasse la pierre noire. Regardez la soumission, comment elle est. Wa qad khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-jinn wal-ins li hikmatin 'azima. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes pour une grande sagesse. Ala wa hiya 'ibadatuhu subhanahu wa ta'ala duna siwa'. Et cette grande sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes, c'est pour son adoration. Une adoration qui lui est donnée à lui seul et qu'on n'a pas le droit de la donner à quiconque en dehors de lui. Comme a dit tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Comme le Très-Haut subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la raison de notre création. Pourquoi il nous a créés? Contrairement à beaucoup de sectes soufis, et surtout ceux qui ont été dans l'excès parmi eux, qui ont prétendu, en se basant sur des hadiths inventés, des hadiths faux, jamais le prophète alayhi salatu wa salam ne les a formulés, dans lesquels ils disent que le prophète aurait dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures d'après la lumière du prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire qu'on est tous issus de la lumière du prophète alayhi salatu wa salam. Faux. Cela n'existe dans aucun verset coranique et dans aucun hadith authentique du prophète alayhi salatu wa salam. Ces gens ont inventé des hadiths pour égarer les gens. Et en plus de cela, non seulement c'est une invention, mais en plus, cela va en contradiction avec le verset coranique dans lequel Allah nous dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » وَمَعْنَا لِيَعْبُدُونَ لِيُوَحِّدُونَ. Et le sens de يَعْبُدُونَ, c'est يُوَحِّدُونَ, c'est-à-dire qu'ils rendent Allah un, c'est-à-dire qu'il est le seul à être en droit d'être adoré. L'adoration est un droit exclusif appartenant qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, personne en dehors de lui, aucune créature. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature, n'est en droit de recevoir une quelconque adoration. Et cela, cette parole, cette explication, illa liya'budun ay liwahidun, elle nous est rapportée d'après aussi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wa qala tabaraka wa ta'ala aydan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Et Allah dit aussi, dans le sens du verset, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement. À lui appartient la religion du monothéisme pur, et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat, et voilà la religion de la droiture. Wal ayat al-warida fi hadha al-bab kathiratun wa hiya akthar min an tuhsar fi mithli hadha al-maqam. Et les versets rapportés à ce sujet sont nombreux, et sont tellement nombreux qu'on ne peut les dénombrer dans, pour ces cours concis. وقد دلت الآيتان على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. Et ces deux versets nous prouvent l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. وَمَنْ لَمْ يُفْرِدْ رَبَّهُ بِالْعِبَادَةِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَإِنْ عَمِلَ مَا عَمِلَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شُرُوطِ التَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et celui qui n'unifie pas Allah, qui n'adore pas Allah seul sans rien lui associer, qui ne reconnaît pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là est un polythéiste, un associateur mécréant, même s'il a fait les actions qu'il a accomplies. Car toutes ces actions qu'il accomplira ainsi, elles seront rejetées, car elles ne comportent pas les conditions ou la condition de validité et d'authenticité qui est la condition du monothéisme, d'adorer une seule divinité, la véritable divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit dans le sens du verset, et c'est concernant le jour du mois dernier, et nous ramènerons les œuvres qu'ils ont accomplies et nous les rejetterons comme ils sont éparpillés par le vent, comme le sable qui est éparpillé par le vent. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith Qudsi, un thème divin, dans lequel Allah dit: celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il a associé avec moi, alors je le délaisse et son polythéisme, rapporté par Muslim dans son authentique. Athani, deuxième point. Shurutu qabuli al-amal. Les conditions de validité de l'œuvre. On y comprend là que ce n'est pas parce que tu as agi, que tu as fait une œuvre, qu'on considérera cette œuvre qu'elle est bonne. Ou alors qu'Allah nous a laissé le libre choix à nous-mêmes de choisir. Cette œuvre, elle est bonne et celle-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle est acceptable et agréée, et celle-là, elle n'est pas agréée, elle n'est pas acceptée. Non, il y a des conditions de validité qu'on retrouve dans la religion. Et si les œuvres ne comportent pas ces conditions, elles ne sont pas acceptables, elles ne sont pas agréées, elles ne sont pas bonnes. Min al-ma'loum, an al-ibadat tawqifiyya. بمعنى أنها لا تعرف إلا عن طريق الشرع. Il est connu, il est bien connu que les adorations sont déjà précisées dans la religion. Et on ne peut connaître une adoration que par le biais de la législation islamique. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'apporter une action et de dire que c'est une adoration de toi-même ou de quelqu'un d'autre. Elle ne pourra être considérée comme adoration que si elle nous provient de la législation, que si on la retrouve dans la religion. Donc, personne n'est en droit de ramener une quelconque action en prétendant qu'elle est une adoration. Si elle n'est pas dans la législation, ce n'est pas une adoration. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de l'accomplir pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des règles de base. Celui qui les a comprises sera à l'abri de beaucoup de mal et sera à l'abri des innovations et des inventions dans la religion. Et comprendra que la phrase que disent certains, mais tel shir ou tel imam ou telle personne l'a rapportée ou l'a dite. Avec tout le respect qu'on a pour cette personne, si elle est digne d'être respectée, ce n'est pas lui en lui-même la religion. Lui est demandé ce qui est demandé à tous. L'adoration qui nous est demandée, elle lui est demandée à lui aussi. Donc, si cette parole provient de lui, mais on ne la retrouve pas dans la religion, alors ce ne sera pas une adoration. Parce que la religion, elle est au-dessus de tous. La parole d'Allah est au-dessus de toute parole. Et la parole de son prophète, alayhi salatu wassalam, est au-dessus de toutes les paroles après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, ce n'est pas une réponse et ce n'est pas une légitimité de dire « mais un tel a dit » en soi. Et c'est pour cela que les ulama disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, est une preuve en lui-même. Lorsqu'on vous dit « le prophète a fait, le prophète a dit », personne n'est en droit de dire quelle est la preuve du prophète. En lui-même, c'est une preuve. Et son agissement et ses paroles sont une preuve en eux-mêmes. Et les ulama disent, et les ulama et les imams, il faut qu'ils s'argumentent pour prouver leurs opinions et leurs paroles. Quelle est la preuve de tel savant, de telle ou telle opinion? Quelle est sa preuve? Parmi les versets coraniques, parmi les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, le savant lui-même n'est pas une preuve. Et ses opinions doivent être argumentées par les preuves. Et c'est pour cela que les ulama de la sunna sont les gens de la vérité. Parce que eux s'argumentent avec les Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Eux sont ceux qui suivent convenablement les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Falaysa li ahadin an ya'bud Allah tabaraka wa ta'ala illa bima ja'a fi kitabillahi azza wa jall wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne n'est en droit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala si ce n'est avec ce qu'on retrouve, ce qui nous est parvenu dans le livre d'Allah azza wa jal et la sunna de son messager alayhi salatu wa salam. Kama annahu la budda fil ibadati min ikhlasil amali lillahi wahda. De même qu'il faut obligatoirement dans l'adoration, la sincérité dans l'action pour Allah, une action qui est accomplie pour lui seul, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'action, réellement, c'est une adoration reconnue dans le Coran et la Sunna. Celui qui l'accomplit, il se doit de l'accomplir sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, seul, sans rien lui associer. ومن هنا يتبين لنا انه لا بد لصحة اي عمل نريد ان نتقرب به الى الله من شرطين اساسيين. Et de là, il nous est bien clair qu'il faut obligatoirement, pour qu'une action soit authentique, pour qu'une action elle soit valide, avec laquelle on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui faut deux conditions importantes. وهذان الشرطان لا بد لصحة وهذان الشرطان لا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر. Et ces deux conditions, il faut obligatoirement qu'ils soient assemblés, qu'ils soient ensemble. Il est impossible de dissocier ou de séparer l'un de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut les deux conditions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces deux conditions, l'action n'est pas bonne. Elle n'est pas acceptée, elle n'est pas valide. S'il n'y a qu'une seule condition, cette action n'est pas acceptée, elle n'est pas valide. Il faut obligatoirement les deux conditions ensemble. Al-awwal wa huma, et ce sont al-awwal, la première condition, ikhlasul ibadati lillahi wahda. Adorer Allah seul sincèrement, lui vouer un culte exclusif. Wa thani, la deuxième condition, تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Avoir un suivi pur pour le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. L'œuvre, elle est accomplie sincèrement pour Allah. Et l'œuvre est en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Un suivi pur pour le prophète, c'est un suivi qu'on n'a pas le droit de donner à quelqu'un d'autre que lui, alayhi salatu wassalam. Le suivi qu'on donne au prophète, on n'a pas le droit de le donner à un compagnon. Que dire d'un tabi'i? Que dire d'un tabi'i? Que dire de tous ceux qui viennent après jusqu'à la fin du monde? Le suivi qui est donné au prophète, c'est un suivi qui est propre au prophète, alayhi salatu wassalam. Il est seul à avoir le droit d'être suivi ainsi, car il est le serviteur, l'adorateur et le messager et le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a envoyé pour transmettre son message. On se doit de croire en lui, de l'écouter, de lui obéir et de le suivre de la meilleure manière. وقد جمعت بين هذين الشرطين الآية الكريمة في آخر سورة الكهف. Et il y a ce noble verset à la fin de la sourate la caverne qui rassemble entre ces deux conditions. قال تعالى, le Très-Haut dit, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dans le sens du verset, que celui donc qui espère la rencontre de son Seigneur accomplisse une bonne action et n'associe personne à son Seigneur dans son adoration. فقد أمر سبحانه أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة. Donc Allah, glorifié soit-il, nous enjoint d'accomplir une bonne action, c'est-à-dire une action conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله. Puis il a ordonné que celui qui accomplit cette bonne action, il soit dans son agissement, dans son accomplissement, sincère pour son Seigneur. لا يبتغي به سواه. Il ne veut avec cette action personne en dehors de lui. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ le grand traditionniste et le grand imam dans le tafsir, le grand élève d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Kathir rahimahullah, dit dans son commentaire du Coran, lorsqu'il commente ce verset qui est la fin de la sourate La Caverne, et ces deux piliers et ces deux conditions sont les piliers de l'action acceptée. Il faut obligatoirement que l'action soit sincère pour Allah et qu'elle soit bonne selon, en conformité avec la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ruwiya mithlu hadha an al-qadi Iyad rahimahullah wa ghayruh. Il dit, et cela est semblable à cette explication, a été rapporté d'après al-qadi Iyad rahimahullah et d'autres. Allahu a'lam, mais j'ai l'impression que c'est pas al-qadi Iyad qui est voulu. Peut-être c'est une faute de frappe, Allahu a'lam. Je ne sais pas, il faudra demander directement au shir. Mais cette parole, parce que le Qadi Iyad, il date du 5e siècle de l'Hégire. Mais là, plutôt, il a voulu ramener quelqu'un parmi les pieux prédécesseurs. Et celui qui est connu de l'époque des pieux prédécesseurs, c'est Al-Fudayl ibn Iyad. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, une parole similaire à celle-là a été rapportée de lui, rahimahullah ta'ala. طيب, on va s'arrêter là, inshallah, et puis après le maghrib, on continuera la suite. Wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.